Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire Shakespeare, être ou ne pas être un génie. Shakespeare est un auteur dramatique qu'on ne peut jamais juger. C'est un morceau de savon dans le bain. Ça vous échappe tout le temps. Alors c'est le grand cas de l'homme qui demande des questions et qui ne répond pas. Parce que les questions sont trop énormes. C'est le poète des doutes. Être ou pas être, on ne peut pas aller plus loin dans la doute que ça. Et peut-être c'est la question la plus franche qu'il a jamais posée. Et peut-être c'est pour ça que cette question est devenue tellement célèbre. Comme elle est intéressante et inspirante, cette définition que donne l'acteur Peter Ustinov de Shakespeare, être ou ne pas être, Shakespeare serait-il lui-même une sorte d'énigme? Et que dire de son théâtre qui nous dit tout et son contraire? Être ou ne pas être, sa fameuse énigme, s'est peut-être parfois même confondu avec sa propre vie, au point où à une certaine époque, il était de bon ton de douter de la paternité de Shakespeare sur ces quelques dizaines de pièces qu'il va nous laisser et qui font partie aujourd'hui du patrimoine mondial de la dramaturgie et du théâtre. To be or not to be, that is the question. Mais on dit toujours combien c'est difficile de traduire Shakespeare en français. C'est extrêmement difficile, il y a très peu de bonnes traductions. D'abord à cause de la langue, qui est une langue assez archaïque, qui n'est pas l'anglais moderne, à cause aussi de cette espèce de torrent poétique qu'est Shakespeare. Les images sont tellement extraordinaires qu'on n'arrive pas à les traduire et à leur donner une valeur vraiment dans le génie français. On s'en rapproche, mais on n'arrive pas à donner la valeur poétique de l'image, de l'expression, du mot. Et malheureusement, Shakespeare, évidemment, y perd beaucoup. To die, to sleep no more, and by a sleep to say we end the heartache and the thousand natural shocks that flesh is heir to. It is a consummation devoutly to be wished, to die, to sleep. Laurence Olivier interprétant Hamlet au cinéma en 1948. Vous entendiez aussi dans cet extrait le comédien Jean Gascon qui parlait de la difficulté de traduire Shakespeare à l'émission Partage du jour en 1964. Pour nous parler du génie de la langue et du théâtre de Shakespeare, je reçois Paul Lefebvre qui enseigne, qui traduit Shakespeare, qui est aussi conseiller dramaturgique au Centre des auteurs dramatiques. Paul Lefebvre, bonjour. Bonjour. On va revenir dans un instant sur la langue de Shakespeare parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire là-dessus, mais un petit mot d'abord sur ce qu'il représente pour vous. Il fait partie de votre vie, littéralement. Shakespeare, vous enseignez son théâtre, vous l'avez traduit. Qu'est-ce qui vous intéresse tant chez lui? Qu'est-ce que vous aimez tant chez Shakespeare? Regardez, le être ou ne pas être est un très, très bon exemple. C'est à la fois un grand monologue qui pose des questions métaphysiques profondes, mais au premier niveau, c'est l'histoire d'un homme dans un cul-de-sac et qui se demande « Est-ce que je me suicide ou pas? » Mais à travers cette question que beaucoup d'êtres humains se posent, ça va tellement mal dans ma vie, je vois pas de solution, est-ce que je me suicide ou pas? Il ouvre des questions sur qu'est-ce que c'est que l'existence même. Mm-hmm. Alors c'est ça sa force. Il crée des situations très très concrètes que tout le monde peut comprendre, mais il est capable de les ouvrir dans les grands abîmes de la conscience humaine. Une richesse de la lecture à plusieurs niveaux. Voilà. Ouais. Ça vous intéresse. L'énigme, Shakespeare, être ou ne pas être. Je le disais un peu en boutade moi-même dans la présentation de l'émission, mais c'est vrai qu'à une certaine époque, toutes sortes de rumeurs courent sur l'existence même de Shakespeare, ou en tout cas sur le fait que ce soit lui ou non qui écrive ces pièces qui deviendront des classiques, des chefs-d'œuvre. À l'époque où Shakespeare écrit, ceux qui font du théâtre commercial comme lui ne sont pas considérés comme des écrivains importants. Donc, les gens vont se dire, mais comment ça se fait? On n'a pas grand-chose sur la vie de Shakespeare. On a quand même autant de choses sur Ben Jonson, la même époque, mais pour un auteur commercial, on a déjà beaucoup d'informations parce que à cette époque-là, alors que Shakespeare vient d'écrire Henri V, vous avez Sir Thomas Bodley qui fonde la bibliothèque bodléenne à Oxford. Et les Les pièces commerciales sont classées dans Plays, Almanac and Other Riff-Raff of Unworthy Matter. Ouais. Des choses qui n'ont pas de valeur. Des choses qui n'ont pas de valeur. Et le premier vrai biographe de Shakespeare, près de 100 ans après sa mort, Nicholas Rowe, qui était aussi le premier éditeur de ses pièces après les premières éditions du 17e siècle, qui fait une première édition raisonnée, on pourrait dire, de l'œuvre de Shakespeare. Dans sa biographie, il en fait un genre de rusto, de génie, de personne pas éduquée, mais touchée par la grâce. Et cette image-là d'un rusto génial va demeurer au 18e siècle, même quand David Garrick, le grand acteur et producteur de son temps, un peu plus de 200 ans après la naissance de Shakespeare, va organiser un énorme Shakespeare Jubilee et va le mettre au centre du répertoire anglais. Ouais. Et ça va être des Américains au milieu du 19e siècle qui disent, écoutez, ça fonctionne pas. C'est des Américains qui disent, ben écoutez, ce type-là est le plus grand génie de la langue anglaise. C'était un rusto. On n'a pas d'informations sur sa vie. Donc, c'est sûrement pas lui qui a écrit son œuvre. Il y a imposture. Il y a imposture. Alors, mais l'imposture, elle est qu'elle naît d'une méconnaissance de ce qu'était un auteur de théâtre à l'époque de Shakespeare. Ouais. Ouais. Évidemment, tout ça va être rétabli au jour où on se parle. Il n'y a plus de doute possible. Mais ça fait partie de cette espèce d'énigme du... Enfin, j'allais dire du folklore, mais autour de Shakespeare. Mais remarquez qu'il y a encore toujours des gens qui doutent et qui apportent de nouvelles hypothèses. Sur le fait que Shakespeare n'aurait pas été Shakespeare. Mais disons qu'il n'y a pas une seule de ces hypothèses-là qui résiste à une analyse de la langue. Oui. Ben, vous parlez de l'analyse de la langue. Parlons justement de cette langue de Shakespeare qui est d'une richesse inouïe, tant et si bien d'ailleurs, on y reviendra dans un instant, qu'on va désigner à un moment donné la langue anglaise comme la langue de Shakespeare. On écoute l'auteur acadien Antonine Maillet nous parler du génie de cette langue de Shakespeare, extrait de l'émission Indicatif présent en février 1997. Étant un traducteur, ça, j'ai pu le découvrir d'une façon encore plus subtile, peut-être, la beauté de la langue. Et pourquoi Shakespeare dit des choses que tout le monde aurait pu dire quand on pense à la petite Madeleine de Proust, ou là encore, oui, on dit Guy. Comment ça fait que j'ai pas dit ça? Parce que je le savais. Bon. L'auteur, lui, arrive à nous le dire de telle façon, c'est tellement évident qu'on est sûr qu'on le savait. On le savait pas. Notre inconscient le savait. Et il arrive par le rythme, par l'image, par les sons, par l'harmonie, par le jeu des mots, à créer l'impression que tout ce qu'il est en train de dire, on le dit avant lui. Or, Shakespeare, justement, quand il parle, il décrit une bataille. On jurerait qu'il a été général d'une armée. Pas seulement il connaît les termes, il connaît la psychologie de tout ça. Il peut rentrer à l'intérieur comme si ça avait été un militaire toute sa vie, ce qu'il n'a certainement pas été. Quand il parle de procès, quand il fait un procès dans le Marchand de Venise ou ailleurs, on jurerait qu'il était un avocat, un homme de loi. Quand il parle à un roi, il a le langage royal. Mm-hmm. Puis à côté de ça, il peut parler à un fou. Et toujours, il connaît pas seulement les mots, le vocabulaire, la langue de tout ça, mais aussi l'esprit qui est caché derrière cette langue et qui fait qu'on est toujours à l'aise. On ne dit jamais « Ah ben ça, il se mêle de quoi qu'il ne connaissait pas ». Connaissance de la langue, mais plus que ça, Paul Lefebvre, connaissance, en écoutant Antonine Maillet, connaissance de la nature humaine. Qu'est-ce qui fait le génie de cette langue de Shakespeare? Mais Antonine Maillet et avant elle, Jean Gascon l'ont dit, c'est cette façon prodigieuse de créer des images et de les incarner dans des rythmes forts. Oui. Et ça, c'est vraiment la base de Shakespeare. Et tout simplement, ce qui fait tous les grands génies littéraires, une sorte de conscience humaine profonde, mm-hmm. d'aller vers le substrat commun aux êtres humains, du moins aux occidentaux, pour Shakespeare. Mais c'est aussi, pour moi, dans sa langue, cette façon très serrée qu'il a de tricoter sa rhétorique. Prenons l'exemple dans Macbeth, l'idée de temps, l'idée de nature, les oiseaux. Vous avez continuellement des images de corbeaux, de corneilles, de colombes, qui se heurtent, de hiboux qui se heurtent. Des images qui ont rapport à l'enfantement, au bébé. D'autres qui ont rapport aux vêtements. Les vêtements n'ont pas encore pris leur pli. Le manteau est trop grand. Et il tricote tout ça de façon terriblement serrée, créant une sorte d'inconscient du texte. Ouais. Alors, ce qui fait qu'on ne les perçoit pas nécessairement de façon consciente, mais tout ça joue toujours sur des images primaires profondes. Ouais. L'expression, il est tellement important, tellement fondamental qu'on va se mettre à désigner la langue anglaise comme la langue de Shakespeare. Pourquoi? Ça vient d'où, cette expression? Je ne sais pas d'où vient l'expression, mais chose certaine, depuis le milieu du 18e siècle, Shakespeare est au centre de la dramaturgie anglaise et Bernard Shaw va parler plus tard, lui, de bardolatry, à quel point l'Angleterre est tombée en amour avec ce poète national au détriment d'autres écritures parfois. Qui a peut-être amené aussi, vous me corrigerez, mais l'anglais, avant Shakespeare, l'anglais parlé dans ce pays est une langue très utilitaire. Exactement. Shakespeare l'amène ailleurs. C'est peut-être ça qui fait qu'on lui attribue la langue de Shakespeare, non? À l'époque de Shakespeare, nous, on dit on va voir une pièce de théâtre. Les gens, à l'époque, vont entendre « go to hear a play ». Parce que l'Angleterre était un pays sans importance, sans poids réel en Europe, avant qu'Élisabeth Ière mette fin à des dizaines d'années de chaos entre catholiques, protestants, anglicans, et aussi assoie l'économie, exportation des charbons, exportation des lainages. Et l'Angleterre, bon, après avoir vaincu la Grande Armada, devient une puissance majeure. Mmh. Et alors que la mer du passé, c'est la Méditerranée, eux, ils obtiennent la maîtrise du nouvel océan, de la nouvelle route, celle de l'Atlantique. Alors l'anglais, qui était une langue qui servait justement, comme vous le dites, seulement à la vie quotidienne, là, vous avez des poètes, dont Shakespeare, il n'est pas le seul, qui commencent à faire des métaphores. Et les gens vont entendre cette chose de cette langue qui servait à dire « Peux-tu me servir une bière ?» Parce que on buvait pas d'eau à Londres, c'était trop pollué. On buvait de la bière même au petit déjeuner. Ouais. Alors, c'était d'entendre votre langue quotidienne devenir un matériau de métaphore. Également aussi, la langue est en développement et Shakespeare lui-même invente des noms à partir de verbes à partir de noms, à partir d'expressions italiennes, françaises, forge de nouveaux mots anglais. Il y a une sorte de liberté énorme de langue à l'époque. Alors Shakespeare est quelqu'un qui avait dans ses pièces, utilisait un vocabulaire énorme, 15 000 mots. Incroyable. Racine, 600. Mais ça, c'est une autre histoire. Ouais. On reviendra plus tard à la comparaison de Shakespeare, par exemple, à Molière. On parlait de la langue de Shakespeare. On parlera à la toute fin de l'émission de comment les deux hommes se comparent et ce que ça veut dire pour les deux cultures, Shakespeare et Molière. Il naît en 1564, un père gantier qui va devenir politicien municipal, une mère assez aisée, assez grande famille. Ils sont 8 enfants. Il va se marier très jeune. Il a 18 ans. Oui, parce que les hommes se marient à ce moment-là après leur apprentissage, habituellement vers l'âge de 26, 27, 28 ans. Il marie Anne Attaway, qui est plus âgée que lui. Elle est enceinte, ce qui, à l'époque, ne porte aucun opprobre social à partir du moment où il y a eu promesse de mariage. Ouais. C'est très fréquent que les femmes se marient déjà enceintes. Alors, on sait en fin de compte peu de choses sur sa vie privée. Il y a même un trou à un moment donné. Ah oui, il y a un grand trou. 1585 à 1588, on ne sait même plus où est Shakespeare. On ne le sait pas. Il est marié à ce moment-là, il a des enfants et oups, il disparaît. On ne sait pas où il est allé. Il y a toutes sortes d'hypothèses, dont certaines hypothèses folles, comme il aurait été marin avec Sir Francis Drake qui faisait ses grandes explorations. On n'y croit pas. Mais pour dire à quel point on fantasme, c'est sur ces années perdues. Mais on le retrouve à la fin des années 1580 à Londres, intégré au milieu du théâtre. Mais on croit quand même que dans la troupe de Lord Strange, il a fait la vie de comédien un peu itinérant avant de se retrouver véritablement à Londres. Ouais. Vous parliez de l'époque élisabéthaine il y a un instant. Ce théâtre, cette vie théâtrale, il arrive donc à la fin des années 1580 à Londres, tout de suite dans le milieu du théâtre. Comment la décrire, cette vie théâtrale, et l'importance qu'a le théâtre dans cette Angleterre élisabéthaine? Mais à quoi ça ressemble, la vie théâtrale de ce Londres de Shakespeare? Le théâtre est une chose nouvelle à Londres. C'est le premier bâtiment théâtral date de 1576. Et là, vous allez avoir une douzaine de théâtres qui vont être construits. Au début du 17e siècle, vous avez deux salles de théâtre à Paris. Vous en avez 11 à Londres. Alors, c'est quelque chose qui est un phénomène social extrêmement important. Le théâtre est toujours important dans les sociétés qui sont en mutation, plutôt qui viennent juste d'avoir une mutation importante. Ouais. Prenons l'exemple ici au Québec. L'explosion théâtrale est venue au Québec après notre Révolution tranquille, tout comme en Irlande après les grands événements du début du siècle. Il y a eu le même phénomène. La France de Louis XIV, la Grèce antique et l'Angleterre élisabéthaine, elle se retrouve avec un double changement. Un, de petits pays sans importance à un pays majeur. Donc, il y a quelque chose de national. Mais aussi, Shakespeare et puis en France, Montaigne sont deux génies parallèles. D'ailleurs, Shakespeare avait lu Montaigne et vraisemblablement, d'abord, le lu en français. Montaigne dit une phrase qui semble incarner la grande question shakespearienne. Montaigne dit « Le monde est branloir pérenne. » Le monde est en changement perpétuel. Ouais. Et ça, au Moyen Âge, on disait « Le monde est quelque chose de stable. » Et Shakespeare est d'accord, le monde est en perpétuel changement. C'est d'ailleurs pour ça que Shakespeare est encore actuel pour nous. Oui. Dans ce monde théâtral, dans cette activité assez riche du théâtre de Londres de cette époque, Shakespeare devient assez rapidement une espèce de vedette. Il est assez vite riche et reconnu. Shakespeare, qu'est-ce qui explique... ses premiers grands succès, c'est quoi? C'est la Mégère apprivoisée? Mégère apprivoisée, Richard III, mais on peut aussi se dire que c'est trois pièces autour du règne d'Henri VI, parce que l'Angleterre est dans une époque extrêmement nationaliste et veut s'entendre raconter sa propre épopée nationale, ses propres histoires de roi. Et on pourrait dire que peut-être la pièce, d'ailleurs, c'est la première pièce qui vraiment frappe l'imagination de façon plus forte, c'est Richard III. Ouais. Parce que là, il allie deux choses. La chronique nationale et le destin tragique d'un homme. Ouais. D'ailleurs, il s'est inspiré d'un de ses contemporains, qui était Christopher Marlowe, qui était aussi agent secret, qui mourra assassiné alors qu'il n'a même pas 30 ans. Mais cette formule-là du destin d'un homme, mais dans un contexte politique, ça va être une chose importante dans son théâtre. Vous abordez déjà, parce que ce sera à la fois un comique, ce sera un tragique, ce sera cet homme des grands drames, des grandes épopées historiques. Il y aura beaucoup de rois dans l'œuvre de Shakespeare. Comment résumer ce théâtre-là? C'est vrai qu'il va mêler des choses. On parlait de Hamlet tout à l'heure, être ou ne pas être. Les érudits ont compté le nombre de traits d'esprit, le nombre de gags que peut faire un personnage. Et le personnage qui a le plus grand nombre de traits d'esprit dans toute la dramaturgie shakespearienne, c'est ce monsieur qu'on voit pourtant comme triste et mélancolique, c'est Hamlet. C'est un amoureux du langage, il adore les jeux de mots qui sont souvent intraduisibles. Ces comédies sont moins populaires en langue française parce que elles reposent très souvent sur une dimension pyrotechnique du langage. Des pièces comme Peine d'amour perdu, il y a rien à faire ou presque avec ça en français parce que ce ne sont que des jeux de mots sur des jeux de mots sur des jeux de mots et une sorte de virtuosité rythmique. Mais il veut divertir, en tout cas avec ses comédies, avec ses grands drames historiques. Vous en avez un peu parlé, mais on est dans cette Angleterre élisabéthaine qui construit son identité nationale, le récit, le roman national. C'est un peu à ça que contribue Shakespeare aussi. Il y contribue, puis aussi dans ses tragédies et dans ses pièces historiques. On parle des grandes tragédies comme Jules César, Hamlet, Macbeth, Coriolan. Il pose une question qui est la version politique de la question de Luther. Luther, dans ses 95 thèses, en 1517, une des questions sous-jacentes, c'est « OK, quand le pape est mauvais, que fait-on avec le pape? » Et Shakespeare pose la question « Quand le roi est mauvais ou incompétent, est-ce qu'on a le droit de le tuer? Et si on le tue, quelles en sont les conséquences? » Alors, c'est une question qui est fondamentale et qu'il explore de façon légère ou grave dans pratiquement toute son œuvre. L'extrait qu'on va entendre tout de suite va prolonger admirablement ce que vous dites, parce qu'on le disait, être ou ne pas être, le théâtre de Shakespeare aussi est parfois tout et son contraire. Écoutez à nouveau l'acteur Peter Ustinov, qu'on entendait au tout début de l'émission, nous parler de cette dimension très particulière. On est dans un grand drame historique. Cette dimension très particulière du théâtre de Shakespeare. Shakespeare est absolument étonnant comme personnage parce qu'il est parfois, il réussit parfois à être l'avocat du diable et aussi l'avocat de Dieu en même temps. Et par exemple, si on voit Henri V joué par Olivier, ça devient une épopée patriotique anglaise. Si on voit ça, comme je l'ai vu, joué par des écoliers, on se rend compte que, vu sur cet angle-là, c'est une pièce anti-guerre des plus féroces où Henri V, tout d'un coup, se révèle un être atroce qui traverse le champ de bataille la nuit sur la pointe des pieds pour entendre qu'est-ce que les gens disent sur lui, qui fait une chose dégueulasse après l'autre. Et c'est la même pièce, avec les mêmes répliques, mais l'effet est complètement différent. C'est incroyable comme extrait, Paul Lefebvre. Ça nous dit quoi sur le message, au fond, que porte, que veut... Est-ce qu'il y a un grand message, Shakespeare? Il y a deux messages, puis c'est intéressant qu'on parle de Henri V. Shakespeare, toutes les pièces de Shakespeare, que ce soit ses comédies, ses pièces historiques, ses tragédies, ont le même schéma. Il y a une situation de désordre. le désordre s'aggrave et on revient à un ordre. Dans les comédies, l'ordre est aussi bon que ce qui précédait le désordre. Dans les tragédies, il y a toujours une perte. L'ordre final est toujours plus faible. Henri V, c'est intéressant parce que c'est aussi l'autre grand point de Shakespeare. C'est la dernière pièce d'une séquence de quatre pièces. Richard II est un roi injuste. Bolingbroke, qui est un des seigneurs spoliés par Richard II, le dépose. Le fait assassiner devient le nouveau roi, mais comme son règne est basé sur un assassinat, Bolingbroke a beau être un homme juste, son règne va être malheureux. Ouais. Il a un fils qui va devenir Henri V, qui se tient à la taverne plutôt qu'à la cour. Et on apprend dès le début, une fois qu'on l'a vu à la taverne avec des petits pégreux, que s'il veut apprendre à être un roi, ce n'est pas la cour qui va l'apprendre, c'est en observant le peuple, en observant les gens. Mmh. Et dans l'esprit de Shakespeare, Henri V, qui est le fils d'Henri IV, le fils de Bolingbroke, rétablit la lignée et donc va devenir le roi parfait. Ouais. Mais en même temps, c'est un roi qui a lu Machiavel, c'est-à-dire un roi pragmatique. Mmh. On boucle la boucle, c'est déjà la fin de cette émission. On parlait au tout début de l'émission de cette expression « la langue de Shakespeare » pour montrer à quel point cet homme-là a une influence importante sur la littérature anglaise. Il y a en français cette autre expression « la langue de Molière ». Comment est-ce qu'on parle les deux hommes, Shakespeare et Molière, et comment comparer l'importance qu'ils ont respectivement pour la culture française et la culture anglaise? Ce qui est intéressant, c'est que, et encore plus pour nous les Québécois, on lit Molière et le texte est immédiatement accessible. Il y a des petites notes en bas de page, mais on comprend, j'allais dire, 92% du texte de Molière. L'anglais de Shakespeare est beaucoup plus archaïque par rapport à l'anglais d'aujourd'hui. C'est un peu comme lire Rabelais dans le texte. Mmh. Alors donc, il y a une difficulté qui est de plus en plus grande chez les anglophones pour entendre cette langue-là dans ce qu'elle dit. Hmm. Et d'ailleurs, c'est ça pourquoi Peter Brook, dans une grande partie de sa carrière, a préféré monter Shakespeare en français, parce que il y avait cette transparence de la langue. Et quand Jean Gascon, au début de l'émission, disait que nous n'avions peu de bonnes traductions de Shakespeare, c'était il y a 50 ans. Ouais. Maintenant, il y a des bonnes traductions. Paul Lefebvre, conseiller dramaturgique au Centre des auteurs dramatiques et spécialiste du théâtre de Shakespeare, merci beaucoup de votre passage à l'émission. Ben, c'est moi qui vous remercie. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.